Certifié par la street, série numéro 11, sur Rof officiel, CPLS, la hyène, on va te faire crier comme Monica Céleste, phénoménal prod. Ramène-moi ton poulain que je le pèse, que je foute le sbeul comme le soir où l'Algérie se qualifia. J'ai compris la force de l'oseille quand j'ai vu le corps de rêve de la femme de Wiz Khalifa. Casque intégral sur la tête parmi ceux que l'État aime appliquer quand ça rafale. Mon gang est celui avec qui tu me retrouves aligné pour le hassle. Certifié par la street, ouais, validé par mes rapsan et qu'on m'abuse. Tu veux mon fric? Avec mes mains je te ferai les chines bro, Ibrahim Office. Si tu t'es fait recaler pour le casting de CPLS, c'est que t'es trop vieux, on va te laisser pourrir dans l'armoire comme un survêt d'LS. Tu veux nous tester? Vas-y rouille, j't'envoie le plus pourri de ma cité pour te bouillir. Pour m'endormir, je compte les tarbas qui veulent me freiner. Évidemment que tu pues la rue, gros. T'es qu'un fils d'entraîné. J'envoie les punchlines comme des bastos. Faire kiffer les cassos et les petites rostas. Les ghettos remplis de tristesse. Certifié par la street, zère, j'suis validé. Représente les ghettos, youth, faut mettre des coups de CP. CP, CPLS. On te fait crier comme Monica Céleste. Certifié par la street, identifié par la street, le pif fructifié par la street, les positions glorifiées par la street, entouré par les bâtards qui veulent finir par buricher gros comme les princes du Qatar. Si tu boucaves, tu vas finir sur une chaise roulante ou tout bleu comme le mec d'Avatar. Nique sa mère, je suis bouillant, j'étais boulant furie, fonce des hauts volants d'un bolide avec une tasse plus haute, tasse pédrolique, fumant comme le canon d'un prolique, j'ai pareil clown. Mais je suis traqué par la fumée d'un nuage de Z. Donc faut que j'accélère comme ROH de Z. Je suis pesé, niqué, fonce des faux pas me casser les couilles, je suis un rapsa du poids avec mes rôles de Dakar, pas ma coup de doigt là. On prendra ce qu'il y a à prendre et puis voilà. Je mettrai des billets de 500 sur mes balles. Après plus ça ira mieux quand je verrai tous mes soldats sortir de tôle spray là, c'est dans des palas. Des punchlines comme des bastos. Faire kiffer les cassos, c'est les petites rostas. Les ghettos remplis de tristesse. Certifié street, je suis validé. Représente les ghetto youth, on met des coups de CP. CP, CPLS. On te fait crier comme Monica Céleste. CP, CPLS. Voilà B. Tiens. 94 sur le thorax, frérot. Pour mes ros. Billy. Plaquette. Voilà.